C'est une épreuve qui va durer pour Joseph près de 20 ans. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Joseph, bon, Joseph là-dedans va garder... Dans le fond, Dieu éprouve sa foi, et la foi de Joseph est fortifiée. Joseph a de l'assurance. Jusqu'au jour où Dieu l'élève comme ça, du jour au lendemain, il passe de la prison à gouverneur d'Égypte, numéro 2 dans le pays d'Égypte. L'autorité de Pharaon, un chèque en blanc, il a l'anneau de Pharaon. Et tout de suite, il se met au travail. Hein, parce qu'il a non seulement reçu l'explication des songes de Pharaon, il a aussi la sagesse de Dieu pour préparer l'Égypte à ce que Dieu a annoncé. Et c'est donc cette année d'abondance qui passe, une superbe abondance, mais tout de suite suivie de cette année de famine. C'est une terrible famine et qui n'est pas seulement régionale, qui est très étendue sur la terre. Juste en passant, nous, quand les prix montent à l'épicerie, hein, ça peut nous causer à certains des brûlures d'estomac ou quelques soucis, mais c'est loin d'être une famine. C'est loin d'être une famine qui dure 7 ans. C'est difficile pour nous de saisir qu'est-ce que ça peut représenter que la menace d'une famine, et d'une famine en plus, qui ne finit pas. Et c'est ça notre contexte ce matin. Genèse 42. En fait, je vais plutôt commencer à 43-56. La famine, 41-56, excusez-moi, dans l'autre sens. 41-56. La famine régnait dans tout le pays. On parle d'Égypte. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. La famine devenait de plus en plus forte dans le pays d'Égypte. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était devenue forte dans tous les pays. Donc, au minimum, c'est étendu comme famine. Et il fallait que ça le soit. 42. Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là-bas, afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du froment de l'Égypte. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph. On se souvient que c'est l'autre fils de Rachel. Rachel est morte en couche à la naissance de Benjamin. Car il disait, il pourrait lui arriver un accident. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient dans cette intention, car c'était la famine dans le pays de Canaan. Donc on comprend ici, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de l'Égypte pour acheter du blé. Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Vous souvenez-vous des songes? Hein? Les gerbes, chaque gerbe de ses frères se prosternait devant la sienne. Et plus tard, les étoiles et le soleil et la lune qui se prosternent aussi devant lui. Et là, ici, il y a 10 frères. Donc, c'est qu'un accomplissement partiel. Tous les frères ne sont pas là. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et leur dit : D'où venez-vous ? Ils répondirent : Du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Et il leur dit : Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent : Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit : Nullement, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent : Nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan. Or, le petit est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Il est disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il n'est plus, ne plus être. Joseph leur dit : C'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. Voici l'épreuve à laquelle je vais vous soumettre. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Quant à vous, vous irez en prison. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? La vie de Joseph a été une longue histoire de prison. D'abord la citerne dans laquelle ses frères l'ont jeté, et puis des années à croupir dans la prison royale, peut-être, mais prison quand même. Vos paroles seront mises à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. Et il les fit mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. Est-ce que quelqu'un ici a une expérience semblable d'être allé en prison, ne serait-ce que quelques heures ou 3 jours, non? Le troisième jour, Joseph leur dit : Faites ceci, vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt, et vous partez, emportez du ravitaillement pour votre famille à cause de la disette, et amenez-moi votre petit frère, afin que vos paroles soient vérifiées et que vous ne mouriez pas. C'est ce qu'ils firent, tout en se disant l'un à l'autre : Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit : Ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. Ici, ils sont en train de se parler entre eux, hein? Et ils parlent du sang de Joseph. Pour eux, Joseph est comme mort, remarquez. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Donc, tout ce qui se passe, Joseph, lui, parle en égyptien, et il y a un interprète qui traduit. Mais Joseph, lui, comprend l'hébreu. Alors, quand les frères échangent entre eux, pensant discuter entre eux, Joseph comprend tout. Eux ne comprennent pas l'Égyptien. il s'éloigna d'eux pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit mettre en prison sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de froment leurs bagages, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. C'est là ce qu'il fit pour eux. Ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et partirent de là. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, au caravane-sérail, et il vit son argent qui était à l'ouverture de sa besace. Il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu, le voici encore dans ma besace. » Alors le cœur leur manqua. Ils se firent part les uns aux autres de leur trouble en disant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Ils arrivèrent chez leur père Jacob, au pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé avec dureté et nous a accusés d'espionner le pays. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le petit est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. » Alors l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je reconnaîtrai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez ce qu'il faut à votre famille à cause de la disette. Allez et amenez-moi votre petit frère. Je reconnaîtrai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez commercer dans le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, la bourse d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur bourse d'argent, et ils furent saisis de crainte. Leur père Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. » Jacob parle de Siméon comme étant mort, là. C'est grave ce qui arrive. « Et vous prendriez Benjamin ? » C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père. Ruben qui avait voulu sauver Joseph. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob répondit, « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un accident dans le voyage où vous vous engagez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Je continue quelques versets encore. « La famine s'apesantissait dans le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a solennellement averti. Vous ne reverrez pas mon visage à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux point l'envoyer, nous ne descendrons pas, car cet homme nous a dit, « Vous ne reverrez pas mon visage à moins que votre frère ne soit avec vous. » J'arrête ici. Ce matin, ce que je vous propose, c'est que nous devons apprendre à discerner l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous devons apprendre à discerner l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et on va examiner deux situations, deux, pas sept, deux, dans lesquelles on doit apprendre à discerner l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans la vie les uns des autres. La première situation, c'est la situation des difficultés dans la vie des autres. Vous vous souvenez de mon ouverture? Est-ce qu'on aime la souffrance dans la vie des autres? Est-ce qu'on aime y participer? Première chose à noter, Dieu est souverain. Dieu a ouvert les yeux de Joseph. Dieu a fait que Joseph a reconnu ses frères. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Est-ce que c'est Joseph qui a décidé? Ou c'est Dieu? Joseph est dans le beau milieu d'un énorme projet qui doit lui demander énormément d'énergie. Un effort continu pendant des années. Imaginez-vous rassembler du blé à la grandeur de l'Égypte. La première chose d'ailleurs que Joseph a dû faire, c'est de s'entourer d'hommes capables de l'aider. Et juste pour ça, c'est toute une entreprise. Mais après ça, il faut mettre les choses en place. Des réserves énormes jusqu'à ce qu'on puisse même plus compter ce qui rentrait. Et ensuite, il faut gérer ces réserves. Et des demandeurs et des bouches à nourrir, il y en a plein. Est-ce que Joseph fait tout seul? Non. C'est d'ailleurs assez extraordinaire que ses frères aient paru devant lui. Pensez-vous qu'il présidait la moindre transaction de blé? C'est déjà étonnant qu'ils se soient croisés. Pas étonnant, on sait que c'est Dieu qui est derrière. Mais le point ici, Joseph, lui, ça lui a été donné de reconnaître ses frères et pas l'inverse. Et là, qu'est-ce qui arrive quand il reconnaît ses frères? Il se souvient des songes qu'il a reçus presque 20 ans avant. Et là, il commence à entrevoir que Dieu est en train de boucler la boucle. Peut-être qu'il ne connaît pas le fin détail de comment ça va arriver, mais il l'entrevoit. Donc, 20 ans après, il se souvient de ses songes, et pourtant, son monde est radicalement différent maintenant. Là. Il n'est plus en Canaan, il est en Égypte, il est gouverneur, occupé avec une famille, déraciné de la maison de son père. Sa vie a complètement changé, mais il se souvient des songes. Et on le sait, hein, on l'a vu, il marche avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Est-ce qu'il se dévoile immédiatement? Tout de suite, paf, hey, c'est moi, Joseph! Et là, il pleure, il s'épanche. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Le Joseph à qui Dieu a donné l'explication de ses rêves, à qui il a donné la sagesse, la fidélité, la sagesse, d'administrer l'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Non, il ne se dévoile pas. Pourtant, après 20 ans, on aurait pu croire, ça suffit, là. C'est temps que ça finisse. Et là, peut-être ici, parmi vous, certains pensent que Joseph s'amuse aux dépens de ses frères. Mais pourtant, si on regarde bien le texte, ce qui anime Joseph, ce n'est pas du tout la vengeance. Il n'est pas du tout assoiffé de se venger. Il va pleurer devant la détresse de ses frères. Regardez ce qui... Je vous le dis à l'avance, sachant que beaucoup parmi vous connaissent l'histoire. Ce qui va sortir de sa bouche, il a la bonne vision de ce que Dieu est en train de faire. Il voit très bien que c'est Dieu ici qui a permis tout ça. Mais pourquoi donc mettre à l'épreuve ses frères comme ça? Joseph se laisse conduire par Dieu dans le dénouement, ce long dénouement qui va prendre plusieurs mois, pensez-y. Il va y avoir 3 voyages en Égypte de ses frères, le dernier avec Jacob. Le temps de manger les réserves aussi, entre ça, hein, ce n'est pas 3 voyages bout à bout. Vous ne pensez pas que Joseph aurait eu envie d'accélérer le processus un peu? S'il pleure devant la détresse de ses frères, vous ne pensez pas qu'il aurait eu envie que ça dure le moins longtemps possible? Mais il se laisse conduire par Dieu. Et on peut toujours se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas permis à ses frères de le reconnaître? Des fois, on peut se poser la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis le seul à comprendre ce qui se passe? Mais Dieu a choisi de rassembler les frères à sa façon et dans sa sagesse. Et Joseph est l'instrument de Dieu dans la mise à l'épreuve de ses frères. Et ça démontre non pas sa mesquinerie. Ce n'est pas de la mesquinerie. Ça démontre plutôt la sagesse de Dieu, parce que cette mise à l'épreuve-là, là, quand on l'étudie dans les détails, qu'est-ce qu'elle est pleine de sagesse? Les épreuves en question font tellement référence à la faute des frères vis-à-vis de Joseph et aussi vis-à-vis de leur père. Dieu va mettre le doigt sur le bobo avec la sagesse que lui seul possède. L'œuvre que Dieu voulait accomplir, c'était de mettre en lumière les fautes de ses frères pour les amener à la réconciliation avec Joseph et avec leur père. Parce que ça ne va pas bien avec le père. C'est quoi la faute? On a haï à mort notre frère. Hein? On se souvient qu'il y a des tueurs parmi eux. On va ne nommer que Siméon Lévi, mais ceux qui ont haï Joseph sont aussi des tueurs, on le sait. Dieu nous dit que quand on hait notre frère, c'est avec un cœur de meurtrier qu'on le fait. Alors, oui, certains parmi eux ont voulu sauver Joseph, mais à la fin, tous se rendent complices de la faute. Et tous vont garder le secret et entrer dans le complot en disant à leur père que Joseph a été déchiré, hein? En laissant croire à leur père que Joseph a été déchiré par une bête sauvage. Ils sont complices et tous coupables. Et là, imaginez vivre avec ça 20 ans, voir la détresse qu'on a causée à son père. Et un père inconsolable, hein, ça nous est rapporté, ni ses fils ni ses filles n'ont pu le consoler. Ses jours de deuil ont été longs. Et Joseph, on peut dire, était comme un baume pour Jacob, un fils fidèle. Alors qu'avec les autres, c'est rempli d'anicroche. Mais non, Dieu veut les amener à la réconciliation. Et Dieu n'enterre pas les fautes sous le tapis. Dieu règle, Dieu réconcilie vraiment. Alors Joseph, peut-être que humainement, il aurait voulu épargner des souffrances à ses proches. N'est-ce pas notre tendance humaine? On ne veut pas aller au-devant des difficultés, on veut les éviter. J'ai fait une blague avec les mamans ours, mais rendez-moi justice, les mamans, si ce n'est pas quelque chose qui vous anime souvent de vouloir éviter les difficultés à vos enfants. Mais en passant, il n'y a pas juste les mamans là, qui ont cette tendance, mais c'est juste pour dire, c'est un exemple. On peut tous penser à un exemple dans ce domaine. Alors ça, c'est la première situation dans laquelle on doit apprendre à discerner l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres. Si Joseph n'avait pas discerné ça, s'il ne s'était pas laissé conduire par Dieu là-dedans, peut-être qu'il aurait suivi son penchant humain. La deuxième situation dans laquelle on doit apprendre à discerner l'œuvre de Dieu, c'est le malheur dans notre propre vie. Alors là, on a vu comment Joseph vit la situation. Maintenant, on va voir du côté de ses frères. Ce qui est extraordinaire, bien, on doit se le rappeler. Une démonstration de la puissance de Dieu, c'est comment il peut et il fait en même temps dans la vie des uns et des autres son œuvre. Et aucune désobéissance ne vient y faire obstacle. Bien que des désobéissances, il y en a à tous les coins de rue. Et il accomplit son œuvre dans tout le monde en même temps. Dans Joseph, dans ses frères, dans son père, dans la vie de son père. Et en même temps, il accomplit son grand dessein. Bénir toutes les nations à travers son peuple, éventuellement à travers celui qu'il donne, Jésus. Tout ça, ça se met en place ici. Alors, on l'a dit, la situation familiale de Jacob et de ses fils, hein, ses 10 fils, elle est compliquée, elle est pourrie. C'est une gangrène qui ronge cette famille-là depuis presque 20 ans. Non, plus que ça, parce que c'était pas beau avant, mais avec le complot contre Joseph, c'est presque 20 ans. Imaginez les frères. Pensez pas que la culpabilité, ça les ronge? Qu'on soit repentant ou non, la culpabilité, elle est là. Qu'on essaie de la ranger dans un placard bien profond, elle est là. Le fardeau est là. Et c'est une épreuve dure qui leur arrive. Nous, on lit ça en quelques versets, quelques chapitres. Et souvent, on se place du côté de Joseph. On est content que Dieu fasse justice à Joseph. Mais pourtant, les frères sont toute une leçon pour nous aussi. On peut s'associer à eux. Parce que Dieu ne les a pas oubliés. Et Dieu ne veut pas les détruire. Ils sont héritiers des promesses avec Joseph. Malgré ce qu'ils ont fait. Ils sont, on l'a dit, au milieu d'une famine terrible, une famine qui va aller s'appesantissant tout le temps. Ça doit mettre une pression énorme. Et là, ils doivent faire un long voyage. Hein. C'est pas si rapide que ça, se rendre en Égypte à pied depuis Canaan. Un long voyage et là, paf, une accusation incompréhensible. Et pour une fois, ils n'ont rien fait de mal. Ils ne sont pas des espions. Et là, ce qu'on apprend dans le chapitre 43, c'est que ça n'avait pas été un échange comme ça. Nous sommes tous fils du même homme. Non, ils ont été cuisinés. Ils ont été interrogés par Joseph. Joseph a posé beaucoup de questions pour finalement arriver à les faire parler. Et ce qu'ils ont dit, c'est retourné contre eux. Ça leur a servi à établir les termes de la mise à l'épreuve. Et d'ailleurs, Jacob va leur reprocher, « Mais pourquoi vous vous êtes ouvert la trappe? » Mais ils ont été cuisinés. C'est pas facile de subir un interrogatoire. Puis là, c'est pas un policier subalterne ici qui vous interroge. C'est le gouverneur de l'Égypte, le seigneur du pays. Et là, ils s'en vont 3 jours en prison. Ah, oh, c'est rien, 3 jours, vous me direz? C'est pire des années comme Joseph, vous avez raison, mais je voudrais pas vivre 3 jours quand même en prison, à l'époque. Mais 3 jours pendant lesquels on a le temps de penser à nos vieux péchés. Et remarquez ce qu'ils disent. Avant ça, ensuite, leur frère est pris en otage. Vous réagiriez comment si un de vos proches était pris en otage? Et là, eux autres, ils l'ont pas, l'histoire. Ils ne savent pas que c'est Joseph. Ils ont toutes les raisons de croire que c'en est fait pour Siméon. Comment peuvent-ils échapper à ça? Jacob voit Siméon comme mort. Ils sont dans la détresse. C'est dit noir sur blanc, mais arrêtons-nous un instant. C'est dur ce qu'ils vont vivre. Leur détresse va être réelle. Mais Joseph les aime. Hein? Dieu les aime et Joseph les aime. Et non seulement il n'est pas assoiffé de vengeance, on aurait pu croire que toutes ces années-là l'auraient rendu insensible, peut-être. Non. Non, non, non. Quand il voit leur détresse, il n'est pas insensible. Pourtant, il ne va pas se dédire. La mise à l'épreuve va continuer de longs mois. Mais comment les frères vivent ça, eux? Remarquez bien qu'ils ressentent que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Comment on le sait? Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont trouver la première bourse d'argent? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Mais, malgré les indices, et là, un Joseph qui va lâcher un « je crains Dieu », et on va le voir plus tard, Joseph va continuer, on dirait, de donner des indices. Malgré ça, évidemment, c'est pas évident pour eux ce qui est en train d'arriver. Et ils font un lien avec la faute passée. Et ce qu'ils sont en la détresse qu'ils sont en train de vivre. Et au milieu de la détresse, il y a cette étrange chose où celui qui les accuse d'espionnage les renvoie avec plein de blé. OK, au début, ils ne savent pas même qu'ils ont leur argent, mais vous renverrez des gens que vous avez accusés d'être des espions, vous les renverriez chez eux avec plein de blé? Hey, prouvez-moi que vous n'êtes pas des espions, je vous vendrai du blé après. Mais non, non seulement Joseph, le gouverneur, les sort de prison, hein? Tout de suite, la peine devient moins sévère. On les sort de prison, mais je garde un otage. Puis je vous renvoie avec du blé. Et plus tard, on apprend en plus qu'ils ont encore leur argent. Le blé a été gratuit. Bon, on l'apprend plus tard, eux pensent à une erreur d'administration. Mais comment ils vivent cette grâce-là? Dans la crainte. Ça ne vous rappelle pas une autre parole de l'Écriture? Quand on bénit notre ennemi, on... C'est des charbons ardents qu'on met sur sa tête. C'est un petit peu comme ça que les frères de Joseph vivent cette grâce-là, qui va leur permettre de subsister encore. Le temps que Dieu fasse son œuvre aussi dans le cœur de Jacob. Parce que Jacob doit aussi arriver en Égypte, pas juste les frères. La famille doit déménager. Mais eux ne discernent pas ce que Dieu est en train de faire. L'Écriture nous dit aussi dans Ecclésiaste, je le cite de mémoire, hein, au jour du bonheur, réjouis-toi ou sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Hein? Dieu envoie l'un comme l'autre, afin qu'on ne sache pas ce qui va arriver après. On ne sait jamais ce qui va nous arriver demain, malheur ou bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. C'est vrai qu'on a un peu de mal à réfléchir quand tout va bien. Mais ça, c'est la deuxième situation dans laquelle on doit discerner, apprendre à discerner l'œuvre que Dieu fait dans notre vie, dans notre propre malheur. Et oui, on va le voir dans les chapitres suivants, je laisserai ça à ceux qui me suivent. Dieu va amener les frères à, là ici, à 42, la repentance, est, disons, peut-être qu'elle commence, les frères vont exprimer des remords. Mais Dieu n'en a pas encore fini avec eux. Oui, on exprime des remords, mais on n'est pas nécessairement encore réconciliés. Mais Dieu va les amener avec le temps. Hein. Une épreuve, c'est toujours différent avec le temps. Résister à quelque chose une heure ou un jour, c'était OK, c'est une chose. Mais quand l'épreuve perdure, ça prend une autre dimension. Et Dieu va les amener là où il veut. OK, donc, qu'est-ce que ça change pour nous ce matin? Peut-être que vous allez être comme Joseph, l'instrument de la mise à l'épreuve par Dieu, de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur. Je dirais que ça arrive plus souvent que vous le pensez. Je vais donner un exemple. Dans votre rôle de parent, si vous n'avez jamais résisté à vos enfants, je vous dirais, commencez maintenant. Mais vous allez voir que vos enfants vont peut-être trouver ça difficile, vous aussi d'ailleurs. Mais il n'y a pas qu'envers nos enfants. Et des fois, c'est peut-être pas moi l'instrument, mais je suis peut-être témoin que Dieu se sert de... je vais finir l'exemple. Supposons que c'est Dieu qui m'utilise. Comment est-ce qu'il peut m'utiliser pour mettre quelqu'un d'autre à l'épreuve? Peut-être que c'est en allant lui dire une parole qui ne sera pas reçue avec joie tout d'abord. Peut-être que c'est une parole difficile à entendre. Et pourtant, peut-être que c'est tout à fait la volonté de Dieu et un acte d'amour profond. Est-ce que je vais me sauver? Ou si je suis témoin de ça, est-ce que je vais essayer d'empêcher que la chose arrive? Est-ce que je vais essayer d'atténuer le message? Ou si je discerne ce que Dieu fait, est-ce que je vais l'appuyer? Et l'autre volet... Si je vois que en réfléchissant dans mon malheur, je discerne que Dieu veut m'amener à me réconcilier. Vous savez, on n'a peut-être pas tous vendu un frère pour comme esclave. Hein? Je ne sais pas pour toi, Michel, là, mais. En tout cas. Mais il y a des situations, il y a des relations où. Il y a de l'accumulation, par contre. On est peut-être plus nombreux à l'avoir vécu. On accumule des petites choses. Ça peut être nous, hein, qui multiplions des offenses, des petites offenses, peut-être. Et on s'habitue, on ne le règle pas, on continue, on persiste. Moi, je pourrais dire que j'ai des situations comme ça avec mes enfants. Pas si facile que ça d'en sortir. Et on finit souvent par oublier la nature des offenses elles-mêmes, même si les conséquences, elles, sont bien réelles. On finit comme par s'endurcir, s'habituer, même si la situation pourrit et nous ronge. Est-ce qu'on discerne ce que Dieu veut faire? Que Dieu veut nous amener à la réconciliation? Est-ce qu'on sait comment? Dans le détail, peut-être pas, mais Est-ce qu'on discerne l'objectif? Et c'est intéressant qu'au beau milieu de ça, Dieu nous fait quand même grâce. Et souvent, les grâces qu'il nous fait sont très puissantes pour nous désarmer, alors qu'on sait qu'on mérite un châtiment. Des fois, Dieu nous désarme en nous donnant plutôt une grâce. Mais bon, c'était les deux situations, je dirais, qui pourraient s'appliquer à nous. Mais si vous ne connaissez pas ce Dieu-là, vous ne pourrez pas vivre non plus des réconciliations avec qui que ce soit, des vraies réconciliations. Il faut d'abord que vous soyez réconciliés avec ce Dieu-là, qu'on a vu qui est tout-puissant, qui fait ça dans la vie de tous ses enfants. Il est à l'œuvre tout le temps, en même temps. Et il les aime. Mais, pour devenir son enfant, il faut cesser d'être son ennemi. Il faut passer par le seul chemin qu'il a donné. Ça, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'aboutissement de la promesse qui est encore, on va dire, pas encore complètement révélée dans le livre de la Genèse. Alors, il ne faut pas tarder. C'est bon, Michel.